La radiodiffusion télévision française présente une émission publique du Club d'essai transmise du Théâtre de Babylone. Lecture à une voix. Émission de Michel Polac et Guy Maxence. Aujourd'hui, Eurydice, pièce de Jean Anouilh, lue par Raymond Rouleau. Voici Raymond Rouleau. Eurydice, pièce en trois actes de Jean Anouilh. Personnage, Orphée, le père, musicien ambulant. Eurydice, la mère, Vincent, Mathias, comédien. Dulac, impresario, le petit régisseur, deux filles de la troupe. Monsieur Henri, le garçon d'hôtel, le chauffeur de l'autocar, le secrétaire du commissariat, le garçon du buffet, la belle caissière. Acte 1. Le buffet d'une gare de province. Style pompeux, usé et sali. Table de marbre, glace, banquette de velours rouge râpé. Sur sa caisse, trop haute, comme un Bouddha sur un autel, la caissière aux gros chignons, aux seins énormes. De vieux garçons chauves et dignes, des boules de métal brillants où dorment des torchons puants. Orphée joue doucement, dans un coin près de son père, absorbé dans des contes sordides devant deux verres vides. Au fond, un seul client, un jeune homme, chapeau rabattu sur les yeux, en imperméable, l'air absent. Le père s'arrête de compter, regarde Orphée. Le père. Fiston. Orphée, papa. T'as tout de même pas l'intention de faire la quête à ton vieux père dans un buffet de gare, fiston. Je joue pour moi. Un buffet de gare où il n'y a d'ailleurs qu'un seul consommateur qui fait semblant de ne pas écouter. On la connaît, la ficelle. Ils font semblant de ne pas écouter, puis après ils font semblant de ne pas voir l'assiette qu'on leur tend. Et moi, je fais semblant de ne pas voir qu'ils font semblant. C'est amusant que ça, toi, de jouer du violon. Je me demande comment, étant musicien, tu peux encore aimer la musique. Moi, quand j'ai bien raclé pour les imbéciles qui jouent aux cartes dans une brasserie, j'ai qu'une envie. Orphée, aller jouer aux cartes dans une autre brasserie. Oui, d'ailleurs, qui te l'a dit? Figure-toi qu'il y a 20 ans que je m'en doute. Oh, 20 ans, t'exagères. Il y a 20 ans, j'avais encore du talent. Il y a 20 ans, au beau jour du symphonique, qui aurait dit à ton père qu'il en arriverait à pincer de l'harpe aux terrasses des cafés, qu'il lui aurait dit qu'il en serait réduit à faire la quête dans une petite soucoupe. Maman, chaque fois que tu te faisais renvoyer d'une place. Oh, ta mère m'a jamais aimé. Tu sais qu'on m'a proposé une place de harpiste au casino de Palavas, les Flots. Oui, papa. Et que j'ai refusé parce que la place de violon n'était pas libre pour toi. Oui, papa. Ou plutôt, non, papa. Non, papa. Et pourquoi non, papa? Tu as refusé parce que tu sais que tu joues très mal de la harpe. Et qu'on t'aurait renvoyé le lendemain. Je te réponds même pas. Ça m'a pas mal mangé ce soir pour 12 francs 75. Non, papa. T'as eu tort de prendre le légume. Si tu sais choisir, tu as le légume dans le plat garni. Et ils te permettent d'échanger ton légume pour un second dessert. Dis donc, fiston. C'est bien triste que tu joues, là. C'est triste aussi ce que je pense. Bah, à quoi penses-tu? À toi. À moi? Bah, allons donc, qu'est-ce que tu vas encore me dire? À toi et à moi. Oh, la situation n'est pas brillante, bien sûr, mais nous faisons ce que nous pouvons, fiston. Je pense que depuis que maman est morte, je te suis aux terrasses des cafés avec mon violon. Je te regarde te débattre avec tes additions le soir. Je t'écoute parler du menu du préfixe. Et puis je me couche et je me relève le lendemain. Quand tu auras mon âge, tu verras que c'est ça la vie. Pense aussi que tout seul avec ta harpe, tu ne pourrais jamais vivre. Tu veux me quitter? Non, il est probable que je ne pourrai jamais te quitter. J'ai plus de talent que toi, je suis jeune et je suis sûr que la vie me réserve autre chose, mais je ne pourrais pas vivre si je sais que tu crèves quelque part. C'est bien, fiston, de penser à son père. C'est bien, oui, mais c'est lourd aussi. Quelquefois, je rêve à ce qui pourrait nous séparer. Allons, nous nous entendons si bien. Une très bonne place où je gagnerais assez pour te faire une pension, mais c'est un rêve. Un seul musicien ne gagne jamais assez pour avoir 2 chambres, 4 repas par jour. Oh, tu sais, moi, je suis très modeste. Un menu à 12,75 francs comme aujourd'hui, le café, le pousse-café, un cigare à 3 sous, je suis le plus heureux des hommes. Je pourrais à la rigueur me passer du pousse-café. Il y a aussi le passage à niveau, le train écraserait l'un de nous deux. Hé là, lequel, fiston? Ça m'est égal. Bah, t'es drôle, pas moi, j'ai pas envie de mourir, moi. T'as des pensées sinistres ce soir, mon cher. Il a un renvoi élégant. C'est pourtant bon, ce lapin. Oh, sacre bleu, mais tu me fais rire, petit. À ton âge, je trouvais la vie magnifique. Et l'amour, as-tu songé qu'il y avait l'amour? L'amour? Qu'est-ce que tu crois que c'est, l'amour? Les filles que je peux rencontrer avec toi? Oh, mon cher, peut-on savoir où l'on rencontrera l'amour? Il se rapproche de la caissière. Dis-moi, je n'ai pas l'air trop chauve. Elle est charmante, la caissière. Un peu gironde, peut-être. Plutôt pour moi que pour toi. Qu'est-ce que tu lui donnes, toi, cette gamine? 40? 45? Orphée a un pauvre sourire et lui tape sur l'épaule. Je sors un peu sur le quai, papa. Nous avons une demi-heure avant le train. Quand il est sorti, le père se lève, va tourner autour de la caissière, qui foudroie du regard ce misérable consommateur. Le père soudain se sent laid, pauvre et chauve. Il passe sa main sur sa calvitie et retourne lamentablement prendre ses instruments pour sortir. Eurydice entre brusquement. Pardon, monsieur. C'est ici qu'il y avait quelqu'un qui jouait du violon? Oui, mademoiselle. C'était mon fils. Mon fils Orphée. Comme c'était joli ce qu'il jouait. Le père salue flatté et sort avec ses instruments. La mère d'Eurydice fait une entrée triomphale. Boa, chapeau à plumes, elle n'a pas cessé de rajeunir depuis 1920. Eurydice, tu es là? Oh, il fait une chaleur! J'ai horreur d'attendre dans les gares. Cette tournée est mal organisée comme toujours. Ce régisseur devrait s'arranger pour que les premiers rôles, tout au moins, n'aient pas à attendre éternellement la correspondance. Quand tu t'es bien exaspéré toute la journée dans une salle d'attente, comment veux-tu te donner le soir? Il n'y a qu'un train, maman, pour les grands et les petits rôles. Oh, toi, tu soutiens toujours les imbéciles. Comment se fait-il que tu ne sois pas avec Mathias? Il est comme une âme en peine. T'occupes pas de lui. Tu as tort d'exaspérer ce garçon, il t'adore. Tu as tort d'abord d'en faire ton amant. Mais enfin, maintenant, il est trop tard. Tu ne l'aimes plus? Qui? Mathias. Tu perds ton temps, maman. Oh, d'ailleurs, tu as raison. Il faut suivre son instinct avant tout. Moi, j'ai toujours suivi mon instinct, comme une vraie bête de théâtre que je suis. Il est vrai que tu es si peu artiste. Tiens-toi droit. Ah, voilà Vincent. Le chéri, il a l'air hors de lui. Sois aimable, je t'en prie. Tu sais que c'est un garçon auquel je tiens beaucoup. Vincent entre, argenté, beau, et mousse au dehors très énergique. Mon bon ami, moi qui te cherche partout. J'étais là avec Eurydice. C'est plus régisseur et décidément impossible. Je ne comprends pas que du lac garde un incapable pareil à ce poste. Aux dernières nouvelles, il avait égaré la malle où sont tous les postiches et on joue les burgraves demain en matinée. Tu fais ça d'ici, sans barbe. Eurydice, mais il la retrouvera, cette malle. Elle a dû rester à Montélimar. Le 2 passe encore, mais tu comprends bien, ma chère amie, qu'avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas jouer la grande scène de reproche du 3 sans le bouc. Enfin, de quoi aurais-je l'air? Eurydice s'éloigne avec humeur. La mère. Où veux-tu, mon petit? Eurydice. Je sors un peu, maman. C'est parce qu'elle est là depuis 2 ou 3 jours. On dirait qu'elle cherche. Qu'elle attend quelque chose. Quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a, cet idiot? Il a toujours raclé son violon et l'agaçant. Il fait une chaleur. Tu te rappelles? Le grand casino de Stand. Vincent. Oui. C'était l'année où on avait lancé le tango mexicain. Non, mais tu étais beau. Je portais encore les pattes à cette époque. Tu avais une façon de vous prendre. Tu te rappelles le premier jour. Madame, est-ce que vous voulez bien m'accorder ce tango? Mais monsieur, je ne danse pas le tango mexicain. Rien n'est plus simple, madame. Je vous tiens. Il n'y a qu'à se laisser aller. Comme tu m'as dit cela. Et puis, tu m'as prise. Et alors, tout s'est confondu. Vincent. Oh, l'incertain, le troublant premier jour. On se cherche, on se sent, on se devine. On ne se connaît pas encore. Et on sait pourtant déjà que ça durera toute la vie. Pourquoi s'est-on quitté 15 jours après? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Orphée s'est arrêté de jouer. Eurydice est en face de lui. Il se regarde. C'était vous aussi qui jouiez tout à l'heure? Oui, c'était moi. Comme vous jouez bien. Vous trouvez? Ça s'appelle comment, ce que vous jouiez? C'est pas, j'invente. C'est dommage. Pourquoi? Je sais pas. J'aurais voulu que ça ait un nom. Une jeune fille passe sur le quai, voit Eurydice. Elle appelle. Eurydice, tu es là? Oui. Je viens de rencontrer Mathias, il te cherche, ma petite. Elle passe. Eurydice, oui. Vos yeux sont bleu clair, n'est-ce pas? Oui. Mais on ne sait pas de quelle couleur sont les vôtres. Oh, bah, ils disent que ça dépend de ce que je pense. Orphée, en ce moment, ils sont vert foncé, comme l'eau profonde des bords des pierres du quai. Ils disent que c'est quand je suis très heureuse. Qui, ils? Les autres. La jeune fille repasse. Eurydice! Eurydice! Oui. N'oublie pas Mathias! Eurydice. Vous croyez que vous me rendrez très malheureuse? Je ne crois pas. Oh, ça n'est pas que j'ai peur d'être malheureuse comme je le suis en ce moment, non. Ça fait mal, mais c'est plutôt bon. Ce qui me fait peur, voyez-vous, c'est d'être malheureuse et seule quand vous me quitterez. Mais je ne vous quitterai jamais. Est-ce que vous me le jurez? Oui. Sur ma tête? Oui. Oh, j'aime bien quand vous souriez. Vous ne souriez pas? Non, jamais quand je suis heureuse. Mais je croyais que vous étiez malheureuse. Oh, vous ne comprenez donc rien. Vous êtes donc un vrai homme. Oh, mon Dieu, quelle histoire. Nous voilà dans le beau drap tous les deux, debout l'un en face de l'autre, avec tout ce qui va nous arriver, déjà tout près derrière nous. Vous croyez qu'il va nous arriver beaucoup de choses. Mais toutes les choses qui arrivent à un homme et une femme sur la terre, une par une, toutes. Orphée, les amusantes, les douces, les terribles. Eurydice, les honteuses, les sales aussi. Nous allons être très malheureux. Orphée la prend dans ses bras. Quel bonheur! Vincent et la mère qui rêvaient tête contre tête commencent. Vincent. Oh, l'amour, l'amour. Tu vois, ma belle amie, sur cette terre où tout nous brise, où tout nous déçoit, où tout nous fait mal, c'est une consolation merveilleuse de penser qu'il nous reste l'amour. Mon gros chat. Vincent. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleuses ou lâches, Lucienne, méprisables ou sensuelles. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses ou dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits, si affreux. Oui, mon gros chat, cette perdicant. Tu crois? Je l'ai tant joué. Oui. T'en souviens-tu? Tu le jouais ce premier soir au grand casino d'Ostende. Je suis venu t'attendre dans ta loge. Tu es sorti de scène encore tout vibrant des beaux mots d'amour que tu venais de dire et tu m'as aimé là, tout de suite, en Louis XV. Oh, nom d'une amour, Lucienne. L'union des cœurs et des corps, l'instant unique où on ne sait plus si c'est la chair ou si c'est l'âme qui palpite. Tu sais que tu as été un amant merveilleux, mon grand chien. Et toi, la plus adorable de toutes les maîtresses. Orphée et Eurydice les ont écoutés, serrés l'un contre l'autre comme épouvantés. Eurydice murmure. Oh, faites-les taire, je vous en supplie, faites-les taire. Orphée s'avance. Monsieur, madame, vous n'allez certainement pas pouvoir comprendre mon attitude. Elle va vous paraître étrange, très étrange même, mais voilà, il faut que vous sortiez. Que nous sortions? Oui, monsieur. On ferme? Oui, monsieur, on ferme pour vous. Mais enfin, monsieur. Mais il n'est pas d'établissement, je reconnais, c'est celui qui jouait du violon, là, tout à l'heure. Il faut que vous disparaissiez tout de suite. Je ne peux pas vous expliquer, vous ne comprendriez pas. Il se passe en ce moment ici. Quelque chose de grave, monsieur. Mais il est fou, ce garçon. On n'a jamais vu ça. Non, madame. On n'a jamais vu ça. Moi, en tout cas, je ne l'avais jamais vu. Et tu ne dis rien, toi. Oh, viens donc, ma chérie, viens donc. Tu vois bien que il n'est pas dans son état normal, ce monsieur. Ah, je vais me pencher du gars. Elle sort en criant. Eurydice sort de sa cachette. Or, qu'ils étaient laids, n'est-ce pas? Qu'ils étaient laids, qu'ils étaient bêtes. Orphée, chut, ne parlons plus d'eux maintenant. Comme tout prend sa place, maintenant que nous sommes seuls. Comme tout est lumineux et simple. Il me semble que c'est la première fois que je vois des lustres, des boules de métal, des chaises. C'est charmant, une chaise. On dirait un insecte qui guette le bruit de nos pas et qui va s'enfuir d'un bond sur ses quatre pattes maigres. Attention, n'avançons pas, ou alors avançons très vite. Hop, nous la tenons. Et puis comme c'est commode, une chaise, on peut s'asseoir. Il l'a fait asseoir. Ce que je comprends pas, c'est qu'on ait inventé la seconde. Eurydice la tire. C'était pour des gens qui ne se connaissaient pas. Orphée la prend dans ses bras en criant. Moi, je vous connais. Tout à l'heure, je jouais du violon et vous passiez sur ce quai de gare et je ne vous connaissais pas, mais maintenant, tout est changé, je vous connais. Ah, oh, c'est extraordinaire. Tout est devenu extraordinaire tout d'un coup autour de nous. Regardez comme la caissière est belle, avec ses deux gros seins posés délicatement sur le marbre du comptoir. Et le garçon, mais regardez, regardez le garçon. Ses longs pieds plats dans ses bottines à boutons, cette calvitie distinguée, et cet air noble, mais si noble. C'était vraiment un soir extraordinaire ce soir. Nous devions nous rencontrer et rencontrer aussi le garçon le plus noble de France. Un garçon qui aurait pu être préfet, colonel, sociétaire de la Comédie française. Dites-moi, garçon. Monsieur? Vous êtes charmant. Oh, mais monsieur... Si, ne protestez pas. Vous savez, je suis sincère. Puis je n'ai pas l'habitude de faire des compliments. Vous êtes charmant. Si. Et nous nous souviendrons éternellement de vous et de la caissière, mademoiselle et moi. Vous le lui direz, n'est-ce pas? Mais oui, monsieur. Orphée, or, comme c'est amusant de vivre. Je savais pas que c'était passionnant de respirer, d'avoir du sang qui passe dans ses veines, des muscles qui bougent. Elles disent, je suis lourde. Oh non, vous avez tout juste le poids qu'il fallait ajouter au mien pour que je tienne sur la terre. Oh mon chéri, vous me faites peur, vous en faites bien partie au moins maintenant, hein. Vous ne vous envolerez plus jamais, plus jamais. Qu'est-ce que je ferais moi toute seule sur la terre comme une idiote si vous me laissiez? Jurez-moi que vous ne me quitterez pas. Je vous le jure. Oui, ça c'est un serment facile. Si vous voulez que je sois vraiment heureuse, jurez-moi que vous n'aurez jamais envie de me quitter, même plus tard, même une minute, même si la plus jolie fille du monde vous regarde. Enfin, je le jure aussi. Jurez-moi que vous ne la verrez même pas, mon chéri, cette idiote. Je serai aveugle, je vous le jure. Et c'est de vous-même que vous jurez. C'est de moi-même. Bon, et bien entendu, c'est sur ma tête, sur votre tête. Non, vous n'ignorez pas que lorsqu'on jure sur la tête, ça veut dire que l'autre meurt si on ne tient pas son serment, hein? Non, je n'ignore pas. Bon, alors je vais vous dire... Je voulais seulement vous éprouver. Nous n'avons pas fait de vrai serment. Pour faire un vrai serment, il ne suffit pas de faire un tout petit geste de la main comme ça. Il faut étendre le bras comme ça. Cracher par terre. Non, ne riez pas. Vous savez que c'est très sérieux ce que nous allons faire maintenant. Hein? Certains disent que non seulement la personne meurt subitement si on manque à sa parole, mais encore qu'elle souffre beaucoup en mourant. Orphée, gravement. J'en prends note. Eurydice. Bon. Alors maintenant que vous savez vraiment à quoi vous vous exposez en mentant, même un tout petit peu, vous allez me jurer, s'il vous plaît, mon chéri, en étendant la main et en crachant par terre, que tout ce que vous m'avez juré était vrai. Orphée, je crache, j'étends la main, je jure. Bon, je vous crois. Oh, d'ailleurs, je suis si facile à tromper, si peu méfiante. Vous souriez, vous vous moquez de moi? Non, je vous regarde, je m'aperçois que je n'avais pas encore eu le temps de vous regarder. Je suis laide. Quelquefois, quand j'ai pleuré, outre ri, il me vient une petite tache rouge au coin du nez. J'aime mieux vous le dire tout de suite pour que vous n'ayez pas une mauvaise surprise après, n'est-ce pas? Je me ferai une raison. Oh, puis je suis maigre. Je suis pas si maigre que j'en ai l'air, non, mais moi, je me trouve bien, même assez bien faite quand je me lave. Mais enfin, n'est-ce pas, je ne suis pas une de ces femmes sur lesquelles on s'appuie confortablement. Mais je ne tenais pas à être confortable. Je ne peux vous donner que ce que j'ai, n'est-ce pas? Alors, il faut pas vous figurer des choses. Je suis sotte aussi, je ne sais rien dire. Et puis, il ne faut pas trop compter sur moi pour la conversation. Mais vous parlez tout le temps. Je parle tout le temps, mais je ne sais pas répondre. Bon, naturellement, vous détestez ça, c'est bien ma chance. Vous allez voir que rien ne va vous plaire en moi. Vous vous trompez, j'aime bien quand vous parlez trop. Ça fait un petit bruit qui me repose. Pensez-vous. Je suis sûr que vous aimez les femmes mystérieuses, les gens Greta Garbo, celles qui ont 2 mètres, des grands yeux, des grandes bouches, des grandes mains, qui se perd toute la journée dans les bois en fumant. Je suis pas du tout comme ça, moi. Faut en faire votre deuil tout de suite. Il est fait. Oui, vous dites ça, mais je vois bien dans vos yeux, elle se jette dans ses bras. Oh, mon chéri, c'est trop triste n'être pas celle que vous aimez. Mais que voulez-vous que je fasse? Que je grandisse, j'essayerai, je fais de la gymnastique. Que j'ai l'air hagard, j'écarquillerai les yeux, je me fardrai davantage. J'essayerai d'être sombre, de fumer, mais non, si, j'essayerai d'être mystérieuse. Oh, il faut pas croire que c'est très compliqué d'être mystérieuse. Il suffit de ne penser à rien, c'est à la portée de toutes les femmes. Quelle folle. Je le serai, Comtésie. Et sage aussi, et dépensière, et économe, et docile, comme une petite odalisque qu'on retourne dans le lit. Ou terriblement injuste les jours où vous aurez envie d'être un peu malheureux à cause de moi. Oh, ces jours-là seulement, soyez tranquille. Et puis, ça sera compensé par les jours où je serai maternelle, les jours de furoncle ou de mal aux dents. Enfin, il me restera les bourgeoises, les mal élevées, les prudes, les ambitieuses, les excitées, les molles pour les jours creux. Et vous croyez que vous pourrez tout jouer? Il faudra bien, mon chéri, pour vous garder, puisque vous aurez envie de toutes les femmes. Mais quand serez-vous, vous m'inquiétez? Entre-temps, quand j'aurai 5 minutes, je me débrouillerai. Eh bien, ça va être une vie de chien. C'est ça, l'amour. Et encore, les chiennes, elles ont la partie facile. Avec les chiens, il suffit de se laisser flairer un petit peu et puis de trottiner rêveusement quelques mètres en ayant l'air de ne s'être aperçu de rien. Les hommes sont tellement plus compliqués. Il l'attire à lui. Je vais vous rendre très malheureuse. Oh oui. Moi, je serai toute petite, pas exigeante du tout. Il faudra seulement la nuit me laisser dormir sur votre épaule et le jour me tenir la main, tout le jour. Orphée, j'aimais dormir sur le dos en travers du lit, j'aimais les longues promenades solitaires. Eurydice, nous pourrons essayer de nous mettre en travers, côte à côte, et puis dans les promenades, je marcherai un peu derrière vous si vous voulez. Pas trop, presque à côté de vous. Mais je vous aimerai si fort aussi, je vous serai toujours si fidèle, si fidèle. Il faudra seulement me parler toujours pour que je n'ai pas le temps de penser des bêtises. Orphée rêve un instant, avec elle dans ses bras. Il murmure. Qui êtes-vous? Il me semble que je vous connais depuis longtemps. Oh, pourquoi demander qui on est? Ça veut dire si peu de choses qui on est. Qui êtes-vous? Il est trop tard, je le sais bien, je ne peux plus vous quitter maintenant. Vous avez surgi tout d'un coup dans cette gare, je me suis arrêté de jouer du violon. Et maintenant, je vous ai là, dans mes bras. Qui êtes-vous? Eurydice, moi non plus, je ne sais pas qui vous êtes. Et pourtant, je n'ai pas envie de vous le demander. Je suis bien, c'est assez. Orphée, je ne sais pas pourquoi j'ai peur d'avoir mal tout d'un coup. La jeune fille passe sur le quai. Comment, tu es encore là? Mathias t'attend dans la salle d'attente des troisièmes. Oh, mon chou, si tu ne veux pas qu'il ait encore des histoires, ma petite, tu ferais tout de même mieux d'y aller. Elle passe. Orphée a lâché Eurydice. Qui est-ce, Mathias? Personne, mon chéri. La 3 fois qu'on vient de vous dire qu'il vous cherche. Non, c'est un garçon de la troupe, c'est personne. Il me cherche, et ben oui, il me cherche, quoi. Il a peut-être quelque chose à me dire. Qui est-ce, Mathias? Je ne l'aime pas, mon chéri, je ne l'ai jamais aimé. C'est votre amant? Oh, vous savez, on a vite fait de dire les choses, de mettre tout sous le même mot. Moi, j'aime mieux vous dire la vérité tout de suite, et de moi-même, il faut que tout soit limpide entre nous. Oui, c'est mon amant. Orphée recule un peu. Oh, ne reculez pas, j'aurais tant voulu vous dire. Je suis une petite fille, je vous ai attendu. C'est votre main qui va pour la première fois me toucher. J'aurais tant voulu vous le dire. Que c'est bête, il me semble que cela est. C'est votre amant depuis longtemps? Je ne sais plus, 6 mois peut-être, je ne l'ai jamais aimé. Pourquoi alors? Pourquoi? Eh bien, il était malheureux. J'étais lasse, j'étais seul. Lui m'aimait. Et avant? Avant, mon chéri. Avant lui. Avant lui. Vous n'avez pas eu d'autres amants? Non, jamais. Alors, c'est lui qui vous a appris l'amour. Répondez, pourquoi restez-vous sans rien dire? Vous m'avez dit que vous vouliez qu'il n'y ait que la vérité entre nous. Mais oui, mon chéri, oui, je cherche ce qui vous fera le moins de mal, que ce soit lui que vous verrez peut-être, ou bien un autre, il y a longtemps, que vous n'aurez jamais connu. Mais il ne s'agit pas de savoir ce qui me fera le moins de mal, il s'agit de savoir ce qui est vrai. Eh bien, quand j'étais encore très petite, un homme, un étranger, m'a prise presque de force. Ça a duré quelques semaines, et puis il est reparti. Vous l'aimiez, celui-là? J'avais peur, j'avais mal, j'avais honte. Et c'est tout. Oui, mon chéri. Vous voyez, c'était bien bête, bien lamentable, mais tout simple. Je vais tâcher de ne jamais penser à eux. Oui, mon chéri. Je vais tâcher de ne jamais imaginer leur visage près du vôtre, leurs yeux sur vous, leurs mains sur vous. Oui, mon chéri. Je vais tâcher de ne pas penser qu'ils vous ont déjà tenu. Il la reprend dans ses bras. Là, maintenant, tout recommence. C'est moi qui vous tiens. Eurydice, on est bien dans vos bras. Comme dans une petite maison bien fermée au milieu du monde. Une petite maison où personne ne peut plus jamais entrer. Il se penche sur elle pour l'embrasser. Dans ce café. Dans ce café. Moi qui ai honte tout le temps quand les gens me regardent, je voudrais qu'il soit plein de monde. Ce sera tout de même une belle noce. Nous aurons eu pour témoins la caissière, le garçon le plus noble de France, et un petit monsieur modeste en imperméable qui fait semblant de ne pas nous voir. Mais je suis sûr qu'il nous voit. Il l'embrasse. Le jeune homme en imperméable qui était resté muet au fond depuis le début de l'acte les regarde. S'élève doucement et vient s'appuyer à une colonne plus près d'eux. Ils ne l'ont pas vu. Eurydice se dégage. Alors, maintenant, il faut que vous me laissiez. Il me reste quelque chose à faire. Non, ne me demandez rien. Sortez une minute, je vous appelle. Elle accompagne Orphée au fond, puis va rapidement vers la porte qui est grande ouverte sur le quai. Elle s'arrête et reste un instant immobile sur le seuil. On sent qu'elle regarde quelqu'un d'invisible, qui la regarde aussi, en silence. Eurydice, entre. Mathias entre lentement sans cesser de la regarder. Il s'arrête. Eurydice, tu m'as vu? Je l'ai embrassé, je l'aime. Que veux-tu? Mathias, qui est-ce? Eurydice, je ne sais pas. Tu es folle? Oui, je suis folle. Depuis 8 jours, tu me fuis. Depuis 8 jours, je te fuis, oui. Mais ce n'est pas à cause de lui. Je le connais depuis 1 heure. Mathias regarde Eurydice et son regard l'épouvante, il recule. Qu'est-ce que tu vas me dire? Eurydice, tu le sais, Mathias. Mathias, Eurydice, tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Eurydice, oui, Mathias, je l'aime. Mathias, tu sais que je préfère crever tout de suite que de continuer cette vie tout seul maintenant que je t'ai eu près de moi. Je ne demande rien, Eurydice, rien que de ne pas être tout seul. Eurydice, je l'aime, Mathias. Mais tu ne sais déjà donc plus dire autre chose? Eurydice, je l'aime. C'est bon, tu l'auras voulu. Et il sort. Eurydice court après lui. Écoute, Mathias, non, essaye de me comprendre. Je t'aime bien seulement, je l'aime. Ils sont sortis. Le jeune homme en imperméable les a regardés s'éloigner. Il sort lentement derrière eux et la scène reste vide. Orphée est entré lentement, regardant partir Mathias et Eurydice. Derrière lui, le père fait irruption avec sa harpe. Ah, le train est annoncé, fiston. Voix 2, tu viens? Orphée doucement sans le regarder. Je ne pars pas, papa. Oh, pourquoi toujours attendre le dernier moment? Le train va être là dans 2 minutes, il faut prendre le passage souterrain avec la harpe, nous n'avons que le temps. Je ne prends pas ce train. Comment tu ne prends pas ce train? Et pourquoi ne prends-tu pas ce train, s'il te plaît? Si nous voulons être ce soir à Palavas, c'est le seul possible. Alors prends-le, moi je ne pars pas. Ah, ben voilà du nouveau, par exemple. Qu'est-ce qui te prend? Voilà, papa. Je t'aime bien, je sais que tu as besoin de moi, que ça va être terrible, mais il fallait bien que ça arrive un jour. Je vais te quitter. Qu'est-ce que tu dis? Non, tu m'as très bien compris. Ne fais pas répéter pour amorcer une scène de faux pathétique. Ne t'arrête pas de respirer pour pâlir. Ne commence pas à faire semblant de trembler et de t'arracher les cheveux. Je connais tous tes trucs un par un. C'était bon quand j'étais petit. Ne prenne plus. Je vais te quitter, papa. Je refuse de t'écouter, mon petit. Tu n'as pas ton bon sens. Allez, viens. Non, la dignité aussi sera inutile. Je te répète que je connais tous tes trucs. Oublie mes cheveux blancs. Oublie mes cheveux blancs. J'ai l'habitude. Mais je te répète que je refuse de t'écouter. C'est net, il me semble. Là pourtant m'écouter parce que tu n'as que 2 minutes pour comprendre. Ton train siffle. Ne ricane pas noblement, je t'en supplie. Écoute-moi. Ce train, il va falloir que tu le prennes tout seul. C'est ta seule chance d'arriver à temps pour avoir la place de harpiste qu'on t'a proposée à Palavas les Flots. Mais je l'ai refusé, cette place! Je l'ai refusé à cause de toi! Tu diras que tu réfléchis. Tortoni n'a peut-être pas trouvé un autre harpiste. C'est ton ami, il te donnera la préférence. Oh, tu sais, les amis, les enfants, tout ce qu'on croit sacré, ça vous claque dans les mains un beau jour. Hein. Je suis payé pour le savoir, l'amitié de Tortoni. Tu crois qu'il te donnera pas la place? Alors, je suis certain qu'il me la refusera, oui. Mais pourtant, il te l'a proposé. Oh, il me l'a proposé, mais j'ai décliné l'offre. Il a bu la honte jusqu'à la lie. Tu ne dois pas oublier que c'est un Italien. Ces gens-là ne pardonnent jamais. Prends tout de même le train, papa. Dès que tu seras parti, je vais téléphoner au casino de Palavas. Je te jure que je le convaincrai d'oublier ton fût. Jamais! Ne hurle pas. Jamais! Tu entends? Jamais! Ton père ne s'abaissera, mais c'est moi qui m'abaisserai. Je dirai que c'est ma faute. Non, non! Alors le train, fiston, le train. Orphée, ne poursuis pas cette scène pénible à laquelle je ne comprends rien. Viens avec moi, tu m'expliqueras en route. Je ne peux pas partir, papa. Je te rejoindrai peut-être plus tard. Mais pourquoi me rejoindre, sacrebleu? Nous avons nos deux billets. Je vais téléphoner tout de suite. Écoute, fiston, ne téléphone pas à cet individu. J'aime mieux dire tout de suite la place de harpiste. Oui. Eh bien, il ne me l'a jamais proposé. Comment? Je disais ça pour me faire valoir à tes yeux. C'est moi qui avais eu vent de l'affaire. Je l'avais supplié de me prendre. Il a refusé. Que tu pouvais avoir cette place, c'est dommage, ça arrangeait bien des choses. Je suis vieux, Orphée. Prends tout de même ce train, papa, je t'en supplie. Pars tout de même pour Palavas, les flots. Il y a des cafés là-bas, c'est la saison, je t'assure que tu gagneras ta vie. Rien qu'avec la harpe, tu plaisantes. Mais ce qui frappait les gens, c'était surtout la harpe. On en voit si peu, le violon, tous les mendiants jouent aux terrasses. La harpe, tu le disais toi-même souvent, c'est ce qui nous donnait l'air d'être des artistes. Mais oui, mais tu jouais bien du violon. Puis les femmes te trouvaient jeune, gentil. Alors elles poussaient le coude des hommes pour qu'ils mettent 20 sous dans l'assiette. Pour moi tout seul, elles le pousseront pas. Orphée, mais si, papa, les femmes plus mûres. Tu sais bien que tu es un vieux donjon. Oh, entre nous, un vieux donjon pour bonne de gargote et encore pour bonne laide. Tu exagères, papa, tu as encore beaucoup de succès. Je te les raconte, mais ça se passe pas toujours exactement comme je te le dis. Et puis je te l'avais jamais dit, fiston. C'est moi qui t'ai formé, j'avais ma fierté de père, mais je sais pas si tu t'en es déjà aperçu. Je joue très mal de l'art. Il y a un silence terrible, Orphée baisse la tête. Il ne peut pas s'empêcher de sourire un peu. On ne peut pas ne pas s'en apercevoir, papa. Tu vois, tu le dis toi-même. Papa, je ne peux plus rien pour toi. Si j'étais riche, je te donnerais de l'argent, je n'en ai pas. Alors va prendre ce train, garde tout ce qu'on avait et bonne chance, je ne peux pas te dire autre chose. Mais tout à l'heure encore, tu disais que tu ne pouvais pas me quitter. Tout à l'heure, oui, mais maintenant je peux. Dépêche-toi, prends la harpe. Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, papa. La petite qui est venue me demander qui jouait du violon tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, papa. J'ai bavardé avec ces gens-là, tu sais que c'est une comédienne, hein? Une troupe de rien du tout qui joue dans les Bataclans. C'est une fille qui te grugera. Oui, papa, fais vite. Oh, dire que je t'avais trouvé une fille admirable, sculpturale, premier prix du conservatoire de Marseille, le profil grec, une pianiste. Nous aurions fait des trios, je me serais mis au violoncelle. J'ai jamais cru ça de toi, Orphée. Moi non plus, papa, fais vite. Je te maudis, ça te coûtera cher. Oui, papa. Rigole, rigole, j'ai un billet, je peux gagner d'un jour à l'autre, tu n'auras rien. Orphée, mon papa, mon vieux papa, mon terrible papa. Je t'aime bien, tu sais, quand même, mais je ne peux plus rien pour toi. Les voyageurs, pour Béziers, Montpellier, Sète, Palavas, les flots, en voiture. Allez, vite, vite, tu vas le rater. Tu as la harpe, la grosse valise. J'ai 200 francs sur moi, garde tout le reste. Oh, ne fais pas le généreux, il n'y a pas lourd. Les voyageurs, pour Béziers, Montpellier, Sète, Palavas, les flots, en voiture. Tu crois qu'ils me rembourseront ton billet? Oh, je ne sais pas, je suis heureux, papa, tu sais. Je l'aime, je t'écrirai. Tu devrais être un peu content que je sois heureux, j'ai tant envie de vivre. Tu laisses ton père pour une fille qui ne t'aime peut-être même pas. Orphée, je suis heureux, papa. En voiture, ben, moi je vais crever. Vite, vite, papa. Ils sortent. Frédéric entre avec une petite valise. Elle va s'asseoir dans un coin, toute menue. Orphée est revenu. Il va jusqu'à elle, elle le regarde. Orphée. Voilà. C'est fait. Eurydice, moi aussi, c'est fait. Orphée, je vous demande pardon, il est un peu ridicule. C'était mon père. Eurydice, il ne faut pas me demander pardon. La dame qui parlait d'amour tout à l'heure avec des glouglous, c'était ma mère. Je n'avais pas osé vous le dire. Orphée, je suis content que vous ayez eu honte, vous aussi. C'est un peu comme si nous étions des petits frères, maintenant. Eurydice, je vous vois traînant tout petit avec votre violon derrière lui. Orphée, il avait une place dans un orchestre, mais il me faisait déjà jouer aux terrasses entre les services. Il jouait du trombone dans ce temps-là. Il a essayé de jouer de tout, le pauvre, sans succès. Je disais, je suis le fils du trombone, à la porte, et j'entrais dans son cinéma. C'était beau, les mystères de New York. Les voyageurs pour Toulouse, Béziers, Carcassonne, voie 7. Le train entre en gare. Par la porte grande ouverte sur le quai, les comédiens de la troupe passent avec des valises. La première fille. Viens, ma petite, nous allons encore voyager debout. Naturellement, les vedettes montent en seconde. Qui leur paye leur supplément, hein? Dis, qui leur paye le supplément, la seconde? Et alors, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ça m'est égal, j'ai ma position à défendre. Elles sont passées. Passent la mère et Vincent surchargés de cartons à chapeau de mallettes. La mère, Vincent, mon gros chat, la grosse valise et le carton vert. Vincent, je tiens, avance. Mais fais-toi la croix, ne tient pas. Ça me rappelle un jour à Buenos Aires, le carton à chapeau de Sarah qui s'ouvre en pleine gare, il y avait des plumes d'autruche jusque sur les rails. Ils sont passés, il passe encore un gros homme soufflant qui crie derrière lui. Vite, bon Dieu, vite, nom de Dieu, vite! Et vérifie le chargement au fourgon, bougre d'âne. Allez, monte en queue, nous sommes tous en tête. Eurydice doucement. Tous les personnages de ma vie qui passent. Courant et ne pouvant courir, comique, lamentable, le petit régisseur passe enfin, trimballant, trop de valises, trop de paquets qui tombent. Eurydice dit doucement, Orphée, fermez la porte. Eurydice, voilà. Nous sommes seuls au monde maintenant. Les voyageurs pour Toulouse, Béziers, Carcassonne, voie 7. Le train entre en gare. Orphée est revenu doucement vers elle. Et tout à coup, dans le bruit du train, un cri. Un cri qui se transforme en clameur. La caissière s'est dressée et essaye de voir. Le garçon traverse la Seine en courant. Le garçon, quelqu'un s'est jeté sous l'express, un jeune homme. Des gens passent en courant sur le quai. Orphée et Eurydice sont l'un en face de l'autre sans oser se regarder. Ils ne disent rien. L'homme en imperméable paraît sur le quai. Il entre, puis referme la porte, les regarde. Eurydice dit doucement, je n'y pouvais rien. Je t'aimais, je ne l'aimais pas. Le jeune homme en imperméable s'est approché d'eux. Le jeune homme. Il s'est jeté sous la locomotive. Le choc même a dû le tuer. Eurydice, qu'il aurait. Je, non. Non, il a choisi un assez bon moyen. Le poison est une chose lente qui fait beaucoup souffrir. Puis on vomit, on se tord, c'est sale. C'est comme avec les barbituriques. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont dormir. Quelle plaisanterie. Tu ne mords dans les hoquets, dans les mauvaises odeurs. Croyez-moi, le plus facile quand on est bien fatigué, quand on a longtemps marché avec la même idée fixe, c'est de se laisser glisser dans l'eau, comme dans un lit. On étouffe une seconde, avec d'ailleurs un grand luxe d'image. Et puis, on s'endort. Enfin. Eurydice, vous croyez qu'il n'a pas eu mal pour mourir? On n'a jamais mal pour mourir, mademoiselle. La mort ne fait jamais mal. La mort est douce. Ce qui fait souffrir avec certains poisons, certaines blessures maladroites, c'est la vie. C'est le reste de vie. Il faut se confier franchement à la mort, comme à une amie. Une amie à la main, délicate et forte. Eurydice, nous n'avons pas pu faire autrement, nous nous aimons. Oui, je sais. Je vous écoute depuis tout à l'heure, un beau jeune homme et une belle jeune fille, est prêt à jouer le jeu sans tricher jusqu'au bout. Sans ces petites concessions au confort ou à la facilité qui font les amants vieillissants et prospères. Deux petites bêtes courageuses aux membres souples, aux dents longues, prêtes à se battre jusqu'au matin comme il se doit et à tomber blessées ensemble. Mais monsieur, nous ne vous connaissons pas. Moi, je vous connais. Je suis très heureux de cette rencontre. Vous allez partir ensemble. Il n'y a plus qu'un train ce soir, le train de Marseille. Vous allez le prendre, peut-être. Sans doute, oui. Je vais moi-même là-bas. J'aurai peut-être le plaisir de vous y rencontrer. Il salue et sort. Orphée et Eurydice se retournent l'un vers l'autre. Ils sont debout, tout petits, au milieu de la grande salle déserte. Orphée, mon amour, Eurydice, mon cher amour, Orphée, voilà l'histoire qui commence. Eurydice, j'ai un peu peur. Es-tu bon? Es-tu méchant? Comment t'appelles-tu? Orphée. Et toi, Eurydice. Et le rideau tombe. Acte 2. Une chambre dans un hôtel de province, grande, sombre et sale. Des plafonds trop hauts perdus dans l'ombre, des rideaux poussiéreux, un paravent, une lumière avare. Orphée et Eurydice sont couchés tout habillés sur le lit. Orphée. Dire que tout aurait pu rater. Il suffisait que tu passes à droite, moi à gauche, oh même pas. Il suffisait du vol d'un oiseau, du cri d'un enfant, pour que tu détournes la tête une seconde. Je serais en train de racler du violon aux terrasses de Perpignan avec papa. Eurydice, moi je jouerai ce soir les deux orphelines au théâtre municipal d'Avignon. C'est maman et moi les deux orphelines. Orphée. Cette nuit je pensais à toutes les chances qui nous avaient fallu. Je pensais à ce petit garçon et à cette petite fille inconnue qui s'était mis en marche un beau jour, des années à l'avance, vers cette gare de province. Dire qu'on aurait pu ne pas se reconnaître, se tromper de jour ou de gare. Eurydice, ou bien se rencontrer trop petit, avec des parents qui nous auraient pris par la main et entraînés de force. Orphée, hier nous n'avions rien. Nous ne savions rien. Et nous sommes entrés au hasard dans cette chambre, sous l'œil de ce terrible garçon à moustache, qui se doutait que nous allions faire l'amour. Et nous nous sommes mis à nous déshabiller, vite, debout l'un en face de l'autre. Eurydice, tu jetais comme un fou furieux tes vêtements aux quatre coins de la pièce. Orphée, tu tremblais. Tu ne pouvais pas défaire les petits boutons de ta robe et je te regardais les arracher sans faire un geste. Et puis quand tu as été nu, tu as eu honte soudain. Eurydice, j'ai pensé que moi j'avais à être belle par-dessus le marché. Et je n'étais plus sûre. Orphée, nous sommes restés un long moment debout l'un en face de l'autre, sans oser rien dire, sans bouger. Ah, oh, nous étions trop pauvres, trop nus, et c'était trop injuste d'être obligé de tout risquer ainsi à la fois. Jusqu'à cette brusque tendresse pour toi qui s'est mise à me serrer la gorge parce que tu avais un petit bouton rouge sur l'épaule. Eurydice, et puis après, tout est devenu si facile. Orphée, tu as posé ta tête contre moi et tu t'es endormi. Et moi, je me suis senti devenir fort tout à coup. Fort de tout le poids de ta tête. Il me semblait que nous étions couchés nus sur une grève et que ma tendresse était une mer montante qui recouvrait peu à peu nos deux corps étendus. Comme s'il avait fallu notre lutte et notre nudité sur ce lit en désordre pour que nous devenions vraiment deux petits frères. Oh mon chéri, tu pensais tout cela et tu me laissais dormir. Tu me disais bien d'autres choses dans ton rêve auxquelles je ne pouvais pas répondre. J'ai parlé, je parle toujours en dormant. Tu n'as pas écouté, j'espère. Si, je n'ai compris que trois mots. Tu as poussé un terrible soupir, ta bouche s'est un peu tirée, et tu as dit « C'est difficile. » Eurydice répète « C'est difficile. » Orphée, qu'est-ce qui était donc si difficile? Eurydice, je ne sais pas, mon chéri. Je rêvais. On frappe, c'est le garçon qui entre aussitôt. Il a de grosses moustaches grises, l'air bizarre. Garçon, monsieur a sonné? Non? Oh, je croyais que monsieur avait sonné. Pardon, monsieur. Eurydice, dès qu'il est sorti, tu crois qu'elles sont vraies? Quoi, ces moustaches? Bah, sûrement, elles ont l'air d'être fausses. Il n'y a que les fausses barbes qui ont l'air vraies, c'est connu. Eurydice, il n'a pas l'air si noble que notre garçon du buffet de la gare hier soir. Nous en avons déjà des personnages dans notre histoire. Deux garçons de café, un noble mou, un moustachu bizarre, la belle caissière et ses énormes seins. Bah, et l'employé de la gare? Enfin, le bègue. Eh oui, le charmant petit bègue. Oh, le cher petit Beg, il nous a sûrement porté bonheur, celui-là. Mais l'autre, l'affreux, la brute, là, le contrôleur. Orphée, c'était notre premier personnage ignoble, notre premier traître. Il y en aura d'autres, tu verras, c'est plein de traîtres, une histoire heureuse. Eurydice, oh, mais celui-là, je le refuse, je le renvoie. Tu lui diras que je le renvoie, je veux pas d'un imbécile pareil dans mes souvenirs d'avec toi. Mais c'est trop tard, ma chérie, nous n'avons plus le droit de renvoyer personne. Alors toute notre vie, ce gros âme sale et content de lui fera partie de notre premier jour. Orphée, toute notre vie. Eurydice. Alors, une supposition. Si on a vu beaucoup de choses laides dans sa vie, elles restent toutes dans vous? Oui. Tu es sûr que même les mots qu'on a dits sans le vouloir, qu'on n'a jamais pu rattraper, ils sont encore sur notre bouche quand on parle? Mais oui, ma folle. Attends, ne m'embrasse pas. Explique-moi plutôt. C'est sûr ce que tu viens de me dire? Ou si c'est seulement toi qui le penses? Il y en a d'autres que toi qui l'ont dit? Bien sûr. Des savants, enfin, de ceux qui doivent savoir les choses, de ce qu'on peut croire. Oui. Mais on n'est jamais seul, alors, avec tout ça autour de soi. On n'est jamais sincère, même quand on le veut, de toutes ses forces. Si tous les mots sont là, toutes les sales éclats de rire, si toutes les mains qui vous ont touché sont encore collées à votre peau, alors on ne peut jamais devenir une autre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'on serait la même, toi, si on savait toute petite qu'un jour on aura absolument besoin d'être toute propre, toute nette? Et quand on dit les choses, quand on dit « j'ai fait ce geste, j'ai prononcé, j'ai écouté ce mot, j'ai laissé quelqu'un », quand on les dit à un autre, ces choses, à celui qu'on aime, par exemple, ils pensent que ça les tue autour de vous, les savants? Oui, on appelle ça se confesser. Après, il paraît qu'on est tout lavé, tout luisant. Ah, ils en sont bien sûrs. Ils le disent. Oui. Oui. Mais si jamais ils se trompent, oh, moi, je crois qu'il vaut mieux ne rien dire. Ou alors, mon chéri, quand c'est tout simple comme pour nous hier, tout dire, bien sûr, comme moi. On frappe, le garçon. Monsieur a sonné. Mais non. Ah, je vous demande pardon. J'avais oublié de dire à monsieur que madame le demandait en bas pour compléter sa fiche ou quelque chose manque. Madame doit la remettre dès ce soir. Orphée, elle veut que je descende tout de suite? Oui, monsieur, si monsieur le peut. C'est bien, je vous suis. Habille-toi pendant ce temps-là, nous descendrons dîner. Le garçon ouvre la porte pour laisser passer Orphée et sort derrière lui. Il rentre presque aussitôt, va vers Eurydice qui s'est dressé. Le garçon, voilà une lettre pour vous. Je devais vous la remettre à vous seul, madame n'est pas au bureau. J'ai menti, il n'y a qu'un étage, vous avez une demi-minute pour la lire. Il reste debout devant elle. Eurydice a pris la lettre en tremblant un peu, elle la décachette, la lit. La déchire en petits morceaux. Puis elle va les jeter. Le garçon, jamais dans la corbeille, madame. Il va à la corbeille, s'agenouille et commence à ramasser les morceaux de papier qu'il enfouit dans la poche de son tablier. Il y a longtemps que vous le connaissez? Un jour. D'habitude, c'est encore le bon temps. D'habitude, oui. J'en ai vu passer dans cette chambre, couché sur ce lit comme vous tout à l'heure. Et pas rien que des beaux, des trop gras, des trop mecs, des monstres. Tous usant de leur salive à dire notre amour. Quelquefois, quand le soir vient, comme maintenant, il me semble que je les vois tous ensemble. Ça grouille. Oh, c'est pas beau, l'amour. Eurydice. Non. Orphée, vous êtes encore là? Non, monsieur, je sors. Mais la gérante n'était pas en bas. Ça ne fait rien, monsieur. Ce sera pour ce soir. Orphée, qu'est-ce qu'il faisait ici? Ne dis rien. Il me disait tous les couples qu'il avait vus défiler dans cette chambre. C'est gai. Il dit que quelquefois, il lui semble les voir tous ensemble. Toute la chambre grouille. Ma folle. Le lit en est plein. C'est laid, les gestes. Mon amour. Descendons dîner, il fait bon. Nous allons manger dans un petit bistrot qui s'enlaille. Non. Pour moi, il ne fait plus bon. Ça ne sent plus bon. Comme ça a été court. Qu'est-ce que tu as? Tu trembles? Oui, je tremble. Mais tu es toute pâle. Oui. Quels yeux as-tu? Je ne t'ai jamais vu, ces yeux-là. Il veut l'attirer, elle se détourne. Oh, ne me regarde pas. Quand tu me regardes, ton regard me touche. On dirait que tu as posé tes deux mains sur mes hanches et que tu es entré tout brûlant dans moi. Ne me regarde pas. Je te regarde depuis hier. Il l'attire, elle se laisse faire. Oh, tu es fort, tu sais. Tu as l'air d'un petit garçon maigre et tu es plus fort que tout le monde. Quand tu joues sur ton violon comme hier dans cette gare, ou bien quand tu parles, je deviens comme un petit serpent. Je n'ai plus qu'à ramper doucement vers toi. Êtes-vous bien, petit serpent? Quelquefois, tu te tais, je crois que je suis libre comme avant. Je tire sur mon fil de toutes mes forces pendant une minute. Et puis, tu recommences à parler. Le fil s'enroule sur la bobine et je m'en reviens vers mon piège. Trop heureuse. En fait, tu es un petit serpent qui se demande trop de choses. Les petits serpents doivent se chauffer au soleil, boire le lait qu'on leur donne et ronronner bien tranquille. Ce sont les petits chats qui ronronnent. Ça ne fait rien, ronronne, je te tiens. Tu es un traître. Tu me grattes doucement la tête. Je m'endors contre ton bon soleil. Et puis tu dis, c'est difficile. Mon chéri. Oui. J'ai peur que ce soit trop difficile. Mais quoi? Premier jour, tout semble si facile. Le premier jour, on n'a qu'à inventer. Tu es sûr que nous n'avons pas tout inventé? Je suis sûr que je t'aime et que tu m'aimes. Sûr comme des pierres, comme des choses de bois et de fer. Oui, mais tu m'as peut-être cru une autre. Et puis quand tu vas me voir en face comme je suis, depuis hier je te regarde en face, je t'écoute parler en dormant. Oui, mais je ne t'ai pas dit grand-chose. Si ce soir je me rendors et je dis tout. Tout ou quoi? Les vieux mots collés, les vieilles histoires. Ou si quelqu'un, un des personnages venait te dire, mais qu'est-ce que tu veux qu'on vienne me dire sur toi? Je te connais mieux qu'eux maintenant. Tu crois? Enfin, mon petit soldat. Mon petit soldat, tout un jour que je t'ai connu sous mes ordres, je te connais bien. J'ai été un peu odieux, n'est-ce pas, depuis hier, à jouer toujours les capitaines. Vite, voilà le train, garde les places, je vais chercher le marchand d'oreiller, réveille-toi, c'est Marseille. Du courage. Et le petit soldat, ahuri, les yeux encore tout plissés de sommeil, empoigne ses valises avec un bon sourire. Et une, deux, suit bravement son capitaine dans la nuit. Je ne t'ai pas dit merci. Eurydice, il ne faut pas. Je ne t'ai pas dit merci non plus pour ton courage, Eurydice. Mon courage? Pour les jours qui ne vont pas tarder, où tu laisseras passer l'heure du dîner en fumant avec moi la dernière cigarette. Pour les robes que tu feras semblant de ne pas voir dans les vitrines. Pour les commerçants ricaneurs, les patrons d'hôtels hostiles, les concierges. Je ne t'ai pas dit merci pour les lifets, les vaisselles, les mains rougies et le gant qui se troue et l'odeur de la cuisine dans les cheveux. Tout ce que tu m'as donné en acceptant de me suivre. Ma farouche. Ma sauvage, ma petite étrangère. Je me suis réveillé cette nuit pour me demander si je n'étais pas un homme aussi lourd que les autres et si je te méritais bien. Tu penses vraiment tout ça de moi? Oui, mon amour. C'est vrai. C'est une bien charmante Eurydice. C'est toi. Oui. Et tu as raison. C'est bien une femme pour toi. Mademoiselle Eurydice, ta femme. Je vous salue. Maintenant, consentez-vous enfin à venir dîner? Le charmeur de serpents ne peut plus souffler dans sa flûte, il crève de faim. Allume la lumière maintenant. Ah, voilà enfin un mot sensé. Plein feu partout, flot de clarté, sortie des fantômes. Orphée va tourner le commutateur, une lumière crue inonde et enlaidit la chambre. Eurydice. Mon chéri, je ne voudrais pas aller dans un restaurant avec des gens. Si tu veux, je vais descendre, j'achèterai des choses et nous les mangerons ici. On fait dans la chambre où tout grouille. Oui, maintenant, ça ne fait plus rien. Ça va être très amusant. Je vais descendre avec toi. Non, laisse-moi descendre seul. Ça me ferait plaisir de faire ton marché une fois. Tu comprends? Comme une personne, comme il faut. Alors achète beaucoup de choses, hein? Oui, il faut faire un repas de fête. Oui, mon chéri. Exactement comme si nous avions de l'argent. C'est un miracle qui ne comprendra jamais les gens riches, ça. Achète un ananas, un vrai, hein, un ananas du bon Dieu, pas un triste ananas américain, en boîte, n'avons pas de couteau. Nous n'arriverons pas à le manger, mais il est juste aussi que l'ananas se défende. Oui, mon chéri. Achète aussi des fleurs pour dîner, beaucoup de fleurs, hein? Mais ça ne se mange pas. C'est vrai, ça, nous les mettrons sur la table. Nous n'avons pas de table. Enfin, achète tout de même beaucoup de fleurs. Un peu de pain pour montrer le côté sérieux de notre caractère et une bouteille de vin blanc qu'on boira dans le verre à dents. Hein? Dépêche-toi, je meurs de faim. Tu mets ton chapeau? Oui. Elle se retourne soudain et dit d'une voix étrange. Adieu, mon chéri. Orphée, tu dis adieu comme à Marseille. Eurydice, sur le seuil. Oui. Elle regarde encore une seconde, souriante et pitoyable, et sort brusquement. Orphée reste un instant immobile, souriant, et Eurydice sortit. Soudain, son sourire s'efface, ses traits se tirent, une angoisse vague le prend. Il court à la porte en appelant « Eurydice !» Il a ouvert la porte et recule stupéfait. Le jeune homme qui les a abordés dans la gare est sur le seuil, souriant. Elle vient de descendre. Vous ne me remettez pas? Nous avons fait connaissance hier dans ce buffet de gare au moment de cet accident. Vous savez, le jeune homme qui s'est jeté sous le train. Je me suis permis d'entrer et vous dire bonjour. Vous aviez été si sympathique. Nous sommes voisins, j'ai la chambre 11. À qui ai-je l'honneur? Les connaissances de voyage. C'est un charme d'ignorer au juste qui on est. Appelez-moi Monsieur Henri. Je vous ai adressé un peu librement la parole hier, mais vous étiez si touchants tous les deux, serrés l'un contre l'autre au milieu de cette grande salle déserte. Un beau décor, n'est-ce pas? Rouge et sombre, avec cette nuit tombante et ces bruits de gare au fond. Le petit Orphée, mademoiselle Eurydice. Mais pas tous les jours qu'on a pareille aubaine. Hein? J'aurais pu ne pas vous parler. Habituellement, je ne parle à personne, mais à quoi bon? Vous, je ne sais pas pourquoi j'ai pas résisté au désir de mieux vous connaître. Vous êtes musicien? Oui. J'aime la musique. J'aime tout ce qui est doux, heureux. En vérité, j'aime le bonheur. Mais d'abord, vous devez vous demander pourquoi je m'intéresse tellement à vous. C'était dans le fond de la salle hier, lorsqu'elle est venue à vous comme appelée par votre musique. Ces courts instants où l'on surprend le destin en train de poser ses pions sont bien troublants, n'est-ce pas? Le garçon est entré. Voilà, monsieur, un cognac. Henri, merci. Orphée, buvez ça. Avez-vous remarqué avec quelle lenteur insolite ce garçon vient de quitter la pièce? Non. Il s'est certainement remis à son poste derrière la porte. Je suis sûr qu'il est déjà entré plusieurs fois dans votre chambre sous des prétextes. Je suis sûr qu'il a déjà essayé de vous parler. D'essayer, oui. Vous voyez? Je ne suis pas le seul à m'intéresser à vous aujourd'hui. Je parie que les commerçants, les employés de gare, les petites filles dans la rue vous sourient aussi depuis hier d'une façon insolite. On est toujours gentil avec les amoureux. Oh, ce n'est pas seulement de la gentillesse. Ne trouvez pas qu'ils vous regardent un peu trop fixement? Non, pourquoi? Pour rien. Mon cher, il y a deux races d'êtres. Une race nombreuse, féconde, heureuse. Une grosse pâte à pétrir qui mange son saucisson. Fait ses enfants, pousse ses outils, compte ses sous. Bon an, mal an, malgré les épidémies et les guerres. Jusqu'à la limite d'âge. Des gens pour vivre. Des gens pour tous les jours. Des gens qu'on n'imagine pas morts. Et puis, il y a les autres. Les nobles, les héros. Ceux qu'on imagine très bien étendus, pâles, un trou rouge dans la tête, une minute triomphant avec une garde d'honneur, ou entre deux gendarmes, selon. Le gratin. Ça ne vous a jamais tenté? Jamais, ce soir, moins que jamais. Dommage. Il ne faut pas croire exagérément au bonheur, mon petit. Surtout quand on est de la bonne race. On ne se ménage que des déceptions. Le garçon frappe et entre. Monsieur, il y a là une jeune fille qui demande mademoiselle Eurydice. Je lui dis qu'elle était sortie, mais elle n'a pas l'air de me croire. Elle insiste pour vous voir, vous. Je lui dis de monter. La jeune fille. Oh, je suis déjà montée. Où est Eurydice? Elle est sortie, mademoiselle. Qui êtes-vous? Une de ses amies de la troupe, faut que je lui parle tout de suite. Je vous dis qu'elle est sortie, et puis je crois qu'elle n'a rien à vous dire. Ah, vous vous trompez. Elle a beaucoup de choses à me dire, au contraire. Combien de temps qu'elle est sortie? Est-ce qu'elle a pris sa valise en sortant? Sa valise? Quoi voulez-vous qu'elle ait pris sa valise? Elle est descendue acheter notre dîner. Peut-être descendue acheter votre dîner, mais elle avait de bonnes raisons pour emporter tout de même sa valise. Parce qu'elle devait nous rejoindre à la gare pour prendre avec nous le train de 8h12. En fait, écrire rejoindre qui? Le garçon qui a tiré sa grosse montre de cuivre. Il est 8h, 10 minutes, 40 secondes. La jeune fille, elle doit déjà être sur le quai avec lui. Merci. Elle fait volte-face, Orphée la rattrape. Sur le quai avec qui? Oh, lâchez-moi, vous me faites mal, je vais rater mon train. Le garçon, il est 11 juste. Dulac paraît sur le seuil. Non, il est 13. Vous retardez, le train est parti. Allez, lâchez cette petite, moi je peux vous répondre. Sur le quai avec moi. Qui êtes-vous? Alfredo Dulac, l'impresario d'Eurydice, où est-elle? Que lui voulez-vous? Et vous? Enfin, Eurydice est ma maîtresse. Dulac, depuis quand? Depuis hier. Figurez-vous qu'elle est aussi la mienne depuis un an. Vous mentez. Parce qu'elle a oublié de vous le dire? Parce qu'avant hier, c'est avec moi qu'elle a passé la nuit. Orphée, je ne sais pas ce que vous êtes le plus odieux ou ridicule, c'est vrai? Je crois bien d'ailleurs que malgré vos airs, vous êtes surtout ridicule. Parce que la petite était dans le lit hier soir, au lieu d'être dans le mien? Vous êtes un enfant, mon vieux. Une fille comme Eurydice, il faut lui passer ses petits caprices. Elle a aussi été à l'imbécile qui s'est tué hier. Vous, au moins, je comprends, vous avez de jolis yeux, vous êtes jeune. J'aime Eurydice elle-même. Elle vous l'a dit? Oui. Oh, il va s'asseoir. C'est une fille extraordinaire. Heureusement que je la connais. Et si je la connaissais mieux que vous? Depuis hier? Oui, depuis hier. Écoutez, je pose pour malin, hein. Mais il y a deux choses que je connais bien, vous savez. Mon métier, d'abord, et puis les femmes. Je suis impresario depuis 20 ans. Les femmes, j'en vends, mon petit, à la grosse, pour lever la jambe dans les revues de province. Ou brailler le grand air de la Tosca dans les casinos, ça m'est égal, et puis je les aime. Et Eurydice est peut-être une drôle de fille, mais à la façon dont nous avons vu tous les deux qu'elle était bâtie, vous m'accorderez tout de même que, hein, c'est une femme. Orphée, non. Comment, non? Elle vous a paru un ange, la vôtre? Regardez-moi bien, mon vieux. Eurydice a été à moi pendant un an. Est-ce que j'ai un air à séduire un ange? Vous mentez, Eurydice ne peut pas avoir été à vous. Vous êtes son amant, moi aussi. Voulez-vous que je vous la décrive? Non! Comment est-elle, la vôtre, hein? On la sort du lit le matin? On l'arrache à ses romans policiers, à ses cigarettes? D'abord, l'avez-vous vue un seul instant sans un mégot au coin du bec comme un petit voyou? Et ses bas? Elle les a retrouvés, ses bas, en se levant? Allez, soyez francs. Avouez en tout cas que sa chemise était accrochée en haut de l'armoire, ses souliers dans la baignoire, son chapeau sous le fauteuil et son sac introuvable. J'en ai déjà acheté 7. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Vous avez vu une Eurydice ordonnée, vous? Oh, pour miracle, moi. J'espère en tout cas qu'elle vous a déjà fait commencer les stations devant les vitrines. Combien de robes vous a-t-elle déjà demandé de lui acheter depuis hier, hein? Combien de chapeaux? Allez, entre nous, quoi, entre nous! Eurydice m'a suivi avec une seule robe, une seule petite valise. Ah bah, vous savez, je commence à croire que nous ne parlons pas de la même. Alors c'est qu'elle pensait que c'était pas pour longtemps. Elle vous disait que c'était pour la vie, je suis sûr qu'elle était sincère, ça vous pensez. Elle se disait, ah, ça sera pour la vie, c'est assez fort pour me garder, si le papa du lac ne retrouve pas ma trace, s'il ne vient pas me reprendre. Et puis tout au fond d'elle, elle était bien certaine que le papa du lac la retrouverait. Ça aussi, voyez-vous, c'est tout à fait d'elle. Non. Mais si, mon vieux, mais si, ah là là. Eurydice est un être rare, c'est entendu, mais enfin, elle a tout de même la mentalité de toutes ces petites bonnes femmes-là, quoi. C'est pas vrai. Bah, rien n'est vrai avec vous, vous êtes drôle. Il y a combien de temps qu'elle est descendue? 20 minutes. Bon, et ça, c'est vrai, oui. Alors, elle a tenu à descendre seule, n'est-ce pas? Oui, ça l'amusait d'acheter seule notre dîner. Ça aussi, c'est vrai, oui. Eh bien, écoutez-moi. Je venais de lui faire remettre une lettre 5 minutes avant, lui demandant de me rejoindre sur le quai. Personne n'a pu lui remettre une lettre, je ne l'ai pas quitté un instant depuis hier. Du lac, vous en êtes bien sûr? Regarde le garçon. Orphée le regarde aussi sans savoir pourquoi. Le garçon, excusez-moi, je crois qu'on m'appelle. Il sort. Orphée, j'ai laissé une minute, c'est vrai, cet homme était venu me dire qu'on me demandait au bureau. C'est lui que j'avais chargé de remettre un mot à Eurydice seul. Je lui ai remis pendant que vous étiez en bas. Qu'est-ce que vous lui disiez sur ce mot? Que je l'attendais au train de 8h12, tiens. Pas besoin d'en dire davantage. Puisque le destin venait frapper à sa porte, lui dire Eurydice, c'est fini. J'étais sûr qu'elle obéirait. Ce sont les hommes, mon vieux, qui sautent par la fenêtre. Voyez pourtant qu'elle n'est pas venue vous rejoindre. C'est vrai d'ailleurs, elle n'est pas venue. De mon Eurydice à moi, elle est toujours en retard, je m'inquiète pas trop. Je vais faire un grand marché à la vôtre. Du pain, des fruits. Et vous dites qu'elle est descendue depuis 20 minutes, ben j'ai l'impression que c'est beaucoup pour acheter du pain et des fruits. La rue est pleine de marchandes. Est-ce que votre Eurydice ne serait pas également en retard? À la jeune fille, elle doit être à la gare en train de nous chercher. Allez, va voir, toi. Orphée, j'y vais aussi. Vous commencez à croire qu'elle a pu vouloir nous rejoindre, hein? Moi, je reste ici. Orphée s'arrête et crie à la jeune fille. Si vous la voyez, dites-lui que... Bon, c'est inutile. Si elle trouve à la gare, ben, c'est que c'est moi qui avais raison. Voilà. C'est que votre petite Eurydice fidèle et ordonnée était un rêve. Et dans ce cas, n'avez plus rien à dire. Orphée, dites-lui que je l'aime. Oh, vous lui tirerez peut-être une larme, elle est sensible, c'est tout. Dites-lui qu'elle n'est pas comme les autres croient. Qu'elle est comme moi, je sais qu'elle est. Mais c'est trop compliqué à expliquer dans une gare, ça, mon vieux. Allez, fais vite, toi. Et tenez, je suis beau joueur. Tenez, ramène-la. Hein? Oui, ramène-la. Hé, hey, alors, dans une minute, elle va pouvoir nous le dire, elle, ce qu'elle est. Hein? La jeune fille va sortir, elle se heurte au garçon qui paraît sur le seuil. Le garçon, monsieur. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est, un agent avec la camionnette de la police. Qu'est-ce qu'il veut? Il vient demander s'il y avait quelqu'un ici qui était parent de la jeune fille, parce qu'il y a eu un accident, monsieur. Dans le quart de Toulon. Orphée. Elle est blessée, elle est en bas! Il se précipite dans le couloir. Du lac le suit, tend son cigare avec un juron étouffé. La jeune fille disparaît aussi. Du lac. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire dans ce quart de Toulon? Bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu! Il ressent rester seul, en face de monsieur Henri qui n'a pas fait un geste. Le garçon. Ils ne sauront jamais ce qu'elle allait y faire. Elle n'est pas blessée. Elle est morte. En sortant de Marseille, le car a accroché un camion-citerne. Les autres voyageurs ont seulement reçu des éclats de vitres. Il n'y a qu'elle. Je l'ai vue. Ils l'ont étendue dans le fond de la camionnette. Elle n'a qu'une toute petite blessure à la tempe. On dirait qu'elle dort. Monsieur Henri ne semble pas l'entendre. Les mains enfoncées dans les poches de son manteau, il passe devant lui. Sur le seuil, il se retourne. Monsieur Henri, vous direz qu'on prépare ma note. Je pars ce soir. Le rideau tombe. Décor du buffet de la gare dans l'ombre. C'est la nuit. Le buffet est désert. Monsieur Henri entre et fait entrer Orphée. Orphée, où sommes-nous? Est-ce que j'ai bu? Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Monsieur Henri, c'est encore hier. Orphée, où sommes-nous? Devine. Tu m'as dit que tu n'aurais pas peur. Je n'ai pas peur, je veux seulement savoir si nous sommes enfin arrivés. Oui, nous sommes arrivés. Où? Un peu de patience. Il craque une allumette. Tu reconnais maintenant? Orphée, c'est le buffet de la gare. Oui. Vous m'avez menti, n'est-ce pas? Non, je ne mens jamais. Reste assis. Ne crie pas. Orphée, pourquoi êtes-vous entré dans ma chambre tout à l'heure? J'étais couché sur ce lit défait, j'avais mal. J'étais presque bien vautré dans mon mal. Je n'avais plus le courage de t'écouter souffrir. Qu'est-ce que ça pouvait bien vous faire que je souffre? Ah, je ne sais pas, c'est la première fois. Quelque chose d'étranger qui s'est mis à faiblir en moi. J'étais en train de quitter l'hôtel, j'ai reposé mes valises et je suis entré pour te calmer. Et comme rien ne te calmait, alors je t'ai fait cette promesse pour que tu te taises. Je me suis tue maintenant, j'ai mal sans bruit. Si vous avez les nerfs sensibles, ça doit vous suffire. Tu ne me crois toujours pas? Oh, je voudrais vous croire de toutes mes forces, mais je ne vous crois pas, non? Monsieur Henri, dure tête, petit homme. Tu pleures, tu gémis, tu souffres et tu ne veux pas croire, hein? Je t'aime bien. Il a fallu que je t'aime bien hier pour ne pas fuir aussitôt comme d'habitude. Pour entrer dans cette chambre où tu sanglotais. Je hais la douleur. Bientôt, tu ne pleureras plus. Orphée, elle va venir. Elle est déjà ici, dans cette gare. Mais elle est morte.

chauffeur s'était retourné pour sourire dans la glace. Tandis oui. Tu sais, ces garçons du midi, ils croient que toutes les femmes les regardent. Je n'avais pourtant pas envie d'être regardé. Orphée, c'était à toi qui souriait. Eurydice. Oui, je t'expliquerai plus tard, mon chéri. Il a donné un coup de volant et puis tout le monde a crié à la fois. J'ai vu le camion-citerne bondir et le sourire du garçon devenir une grimace, c'est tout. Après, je n'ai plus le droit. Tu es bien? Eurydice. Oh oui, contre toi. Elle se met derrière lui. Orphée, prends mon manteau sur tes épaules. Il passe son manteau. Eurydice. Tu te rappelles le garçon de la Comédie française? Orphée, on va le revoir demain matin. Eurydice. Et la belle caissière muette. On va peut-être savoir enfin ce qu'elle pensait de nous. Oh, c'est commode d'en vivre. C'est comme si on venait seulement de se rencontrer. Es-tu bon, es-tu méchant? Comment t'appelles-tu? Orphée, et toi? Eurydice. Seulement, cette fois, nous sommes prévenus. Tu sais qui m'avait mise dans une camionnette? La camionnette de la police, je sais. Il t'avait étendu sur la banquette du fond un agent à côté de toi comme une petite voleuse qu'on arrête. J'étais laide. Tu avais seulement un peu de sang sur la tempe, tu avais l'air de dormir. Dormir? Oh, si tu savais comme je courais. Je courais droit devant moi comme une folle. Tu as dû avoir mal. Oui. Je demande pardon. Oh, il ne faut pas. Si on m'a rapporté à l'hôtel, c'est parce que je tenais encore une lettre dans la main. Je te l'avais écrite dans le car en attendant qu'on parte. On te l'a donnée? Non, ils ont dû la garder au commissariat. Ah, tu crois qu'ils vont la lire? C'est possible. On ne peut pas, tu crois, les empêcher de la lire. On ne peut pas faire quelque chose tout de suite. Écoute, envoyer quelqu'un là-bas, leur téléphoner, leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Oh, c'est trop tard. Mais c'est à toi que je l'avais écrite, cette lettre. C'est pour toi ce que je disais. Comment veux-tu qu'il soit possible qu'un autre la lise, qu'un autre murmure ces mots? Un gros homme avec de sales pensées, peut-être. Un gros homme laid et content de lui. Il va rire, il va sûrement rire de ma peine. Oh, empêche-le, je t'en supplie. Écoute, empêche-le de la lire. Il me semble que je suis toute nue devant un autre. Ils n'ont peut-être pas décacheté l'enveloppe, mais je ne l'avais pas encore cachetée. J'étais en train de le faire lorsque le camion nous a heurtés. Et c'est sans doute pour ça que le chauffeur m'a regardé dans la glace. Je tirais la langue, ça l'a fait sourire, j'ai souri aussi. Tu as souri aussi, tu pouvais donc sourire, toi? Mais non, je ne pouvais pas sourire, tu ne comprends pas. Je venais de t'écrire cette lettre où je te disais que je t'aimais, que j'avais mal. Mais il fallait que je parte. Alors j'ai tiré la langue pour lécher la colle de l'enveloppe. Il a dit une plaisanterie comme ces garçons en disent, tu sais. Tout le monde souriait autour de moi. Oh, c'est pas pareil quand on raconte, c'est difficile, tu vois, c'est tout est trop difficile. Orphée, qu'est-ce que tu allais faire dans le quart de Toulon? Je me sauvais. Tu avais reçu la lettre de Dulac? Oui, c'est pour ça que je partais. Pourquoi ne m'as-tu pas montré cette lettre quand je suis remonté? Je pouvais pas. Qu'est-ce qu'il te disait sur cette lettre? De leur joindre au train de 8h12 ou que sinon il viendrait me chercher lui-même? C'est pour ça que tu as fui? Oui, je voulais pas que tu le vois. Tu n'as pas pensé qu'il viendrait, que je le verrais tout de même? Si, mais j'étais lâche. Je ne voulais pas être là. Tu as été sa maîtresse? Non! Il te l'a dit, je savais qu'il allait te le dire, que tu le croirais. Il me poursuit depuis longtemps, il me déteste. Je savais qu'il allait te parler de moi, j'ai eu peur. Pourquoi ne m'as-tu pas avoué hier quand je t'ai demandé de tout me dire que tu avais été aussi la maîtresse de celui-là? Mais je ne l'ai pas été. Eurydice, maintenant, il vaut mieux tout dire. De toute façon, nous sommes deux pauvres êtres blessés sur cette banquette, deux pauvres êtres qui se parlent sans se voir. Mais qu'est-ce qu'il faut donc que je te dise pour que tu me croies? Je ne sais pas. C'est ça, tu vois, qui est épouvantable. Je ne sais plus comment je pourrais jamais te croire. Eurydice, pour que je puisse être sans inquiétude, après, quand tu me diras les choses les plus simples, si tu es sorti, s'il a fait beau, si tu as chanté, dis-moi la vérité maintenant, même si elle est terrible, même si elle doit me faire mal. Je t'en supplie, Eurydice. Et si c'est trop difficile à dire, alors ne réponds pas plutôt, mais ne mens pas. Est-ce que cet homme a dit vrai? Eurydice, non, il a menti. Tu n'as jamais été à lui? Eurydice. Non. Orphée, si en ce moment tu dis vrai, ça doit être bien facile de le savoir. Ton œil est clair comme une flaque d'eau le soir. Si tu mens ou si tu n'es pas sûr de toi, il y a un cercle d'un vert plus sombre qui va se rétrécissant autour de ta pupille. Dis, le jour va se lever bientôt, mon chéri, et tu pourras me regarder. Orphée, oui! Jusqu'au fond de tes yeux, d'un coup comme dans de l'eau. la tête la première au fond de tes yeux et que j'y reste, que je m'y noie. Oui, mon chéri. Parce qu'à la fin, c'est intolérable d'être deux. Deux peaux, deux enveloppes. Chacun pour soi, avec son oxygène, avec son propre sang, quoi qu'on fasse. Bien enfermé, bien seul, dans son sac de peau. On se serre l'un contre l'autre, on se frotte pour sortir un peu de cette effroyable solitude. Un petit plaisir, une petite illusion. Et on se retrouve bien vite tout seul. Avec son foie, sa rate, ses tripes, ses seuls amis. Tais-toi, alors on parle. On a trouvé ça aussi. Ce bruit de l'air dans la gorge et contre les dents. Deux prisonniers qui tapent contre le mur du fond de la cellule. Deux prisonniers qui ne se verront jamais. Oh, on est seul. Tu ne trouves pas qu'on est trop seul? Bon, tiens-toi fort contre moi. Une chaleur, oui. Une autre chaleur que la sienne. Ça, c'est quelque chose. Allez. Je ne suis pas tout à fait seul. Il ne faut pas être exigeant. Rudis, demain, tu pourras te retourner. Tu m'embrasseras. Oui. J'entrerai un moment dans toi, je croirai pendant une minute que nous sommes deux tiges enlacées sur la même racine. Et puis, nous nous séparerons et nous redeviendrons deux. Deux mystères, deux mensonges. Deux. Voilà, il faudrait qu'un jour tu me respires avec ton air, que tu m'avales. Ce serait merveilleux, je serais tout petit dans toi, j'aurais chaud, je serais bien. Oh, ne parle plus, Orphée, ne pense plus, laisse ta main se promener sur moi. Laisse-la être heureuse toute seule. Je ne peux pas. Accepte si tu m'aimes. Oh, je ne peux pas. Tais-toi alors au moins. Je ne peux pas non plus. Tous les mots ne sont pas encore dits. Il faut que nous allions jusqu'au bout maintenant, de mot en mot. Et il y en a, tu vas voir. Mon chéri, tais-toi, je t'en supplie. Mais tu n'entends pas les mots de Dulac, mes mots, tes mots, les mots de l'autre, tous les mots qui nous ont menés là, les plus conventionnels, les plus vulgaires. Ceux qu'on déteste le plus, nous allons les dire, nous allons sûrement les dire. On les dit toujours, mon chéri. Je ne veux plus de mots. Nous sommes poissés de mots maintenant. Il faut que je te regarde. Eurydice, attends. Attends, s'il te plaît. Attends. Alors, ce qu'il faut, c'est sortir de la nuit, c'est bientôt le matin. Attends, tout va redevenir simple, je t'en supplie. Ils vont nous apporter du café, des tartines. Oh, s'il te plaît, mon chéri, ne te retourne pas, ne me regarde pas, laisse-moi vivre. Oh, s'il te plaît, mon chéri, je suis peut-être pas celle que tu voulais que je sois, celle que tu avais inventée dans le bonheur du premier jour, mais tu me sens, n'est-ce pas, contre toi? Je suis là, je suis chaude, je suis douce, et je t'aime. Je te donnerai tous les bonheurs que je peux te donner. Ne me regarde pas, laisse-moi vivre, dis, je t'en prie, j'ai tellement envie de vivre. Vivre, vivre, comme ta mère et son amant peut-être, hein, avec des attendrissements, des sourires, des indulgences, et puis des bons repas, après lesquels on fait l'amour et tout s'arrange. Ah non, je t'aime trop pour vivre, et il se retourne. Il la regarde. Ils sont en face l'un de l'autre maintenant. Séparés par un épouvantable silence. Il demande enfin sourdement. Il t'a tenu contre lui, ce gros homme. Il t'a touché avec ses mains pleines de bagues. Oui. Depuis quand es-tu sa maîtresse? Depuis un an. C'est vrai que tu étais avec lui avant-hier. Oui. La veille du jour où je t'ai rencontré, il est venu me chercher le soir après le spectacle. Il m'a fait un chantage. Il me faisait un chantage chaque fois. Dulac entre soudain. Avoue que ce jour-là, tu m'as suivi de bon cœur, petite menteuse. Eurydice, de bon cœur, je crachais chaque fois que tu m'embrassais. Oui, ma colombe. Dès que tu m'avais lâché, je me sauvais, je me mettais toute nue dans ma chambre, je me lavais, je me changeais de tout. Tu n'as jamais su ça. Ah, ah, quelle folle! Tu peux rire, je connais ton rire. Tu ris jaune. Orphée, pourquoi tutoies-tu cet homme? Mais je ne le tutoie pas. Ah, vous voyez, elle restait à l'avenant, jeune homme. Je vous dis que vous vous égarez. Mais non, pardon, mon chéri, mais tout le monde se dit tu au théâtre. Tu comprends, Vincent le tutoie, maman le tutoie. C'est pour ça que je dis que je ne le tutoie pas. Oh, mon Dieu, que c'est difficile, toujours expliquer tout. Orphée, il faut pourtant que tu expliques tout maintenant. Tu as dit qu'il t'avait fait un chantage ce soir-là, comme tous les soirs. Quel chantage? Mais toujours le même. De là que tu vas nous raconter maintenant que tu y as cru pendant un an à ce chantage, petite menteuse. Eurydice, tu vois, tu l'avoues toi-même que tu m'as fait pendant un an. Tu ne fais pas la bête, Eurydice, tu ne l'es pas. Je demande si toi, tu y as cru pendant un an, ce chantage. Eurydice, mais pourquoi le faisais-tu donc chaque fois si tu pensais que je n'y croyais pas? Oh, c'était devenu une formalité, cette menace. Je la faisais pour qu'à tes yeux, de sale petite orgueilleuse, tu aies une raison qui t'oblige à me suivre sans avouer ton plaisir. On n'est pas plus galant, hein, avec les dames. Comment, quand tu venais me menacer, tu n'y croyais pas, toi, à ce chantage? Tu me trompais chaque fois, tu m'entraînais chaque fois, et c'était pas vrai, tu ne l'aurais pas renvoyé vraiment. Mais non, petite dinde! Orphée, de quoi venait-il te menacer? Le petit régisseur apparaît souffreteux, maladroit. Il enlève son petit chapeau avant de parler. Le petit régisseur. Il l'a menacé de me renvoyer, monsieur, chaque fois, de ma place de régisseur. Du lac. Hé, hey, c'est un crétin, il perd toujours tout, je veux pas d'un crétin pareil dans ma troupe. Tu comprends, mon chéri, ce petit, il est tout seul avec son frère qui a 10 ans, et donc ce qu'il gagne pour vivre. Et puis c'est trop injuste, tout le monde le déteste et ne pense qu'à le faire renvoyer. Régisseur, vous comprenez, monsieur, il faut que je m'occupe de toutes les malles, de tous les décors, et je suis tout seul. Oh, j'y arriverai jamais. L'abruti, mais je vous dis... Oui, c'est pas... Écoute, petit loup, c'est tant bien simple, tu arrives à la gare de correspondance, tu descends vite du train, tu cours au fourgon, tu comptes les malles pour être sûr que les employés n'en oublient pas une. Oui, mais les autres sont pressés d'aller en ville et m'apportent déjà leurs valises. Mais tu dois leur dire d'attendre, que tu t'occupes d'abord des malles. Oui, mais ils posent leurs valises à côté de moi sur le quai en me disant de faire attention et puis ils s'en vont. Et le quai est plein de monde qui passe. C'est un idiot, je vous dis que c'est un idiot. Allez, cette fois c'est décidé, je le débarque à Châtellerault. À Châtellerault, tu passes à la caisse, bougre d'âne. Monsieur Dulac, si vous me renvoyez, je ne sais plus où aller. À la caisse, j'ai dit. Rédit, je l'aiderai, je te promets que je m'arrangerai pour qu'il ne perde jamais plus rien. On les connaît, les promesses. Tu n'endouilles. Saqué, débarqué, allez, j'en veux plus. Rédit, je te jure qu'il fera attention. Dis Dulac, je te le jure. Oh, tu jures toujours, toi, mais tu tiens pas souvent. Si. Si je le garde encore une fois, tu seras gentil. Rédit, oui. Elle revient à Orphée. Et voilà comment ça se passait chaque fois. Pardon, mon chéri, j'étais lâche, mais je ne t'aimais pas encore, je n'aimais personne. Et il n'y avait que moi qui pouvais le défendre. Je sais bien que tu ne vas plus pouvoir me regarder maintenant. Orphée, je te verrai toujours avec les mains de cet homme sur toi. Je te verrai toujours comme il t'a décrite dans cette chambre. Oui, mon chéri. Il n'était même pas jaloux en venant te rechercher, il ricanait à une fille comme Eurydice. Faut qu'on lui passe ses petits caprices. Oui, mon chéri. Mais défends-toi au moins, pourquoi ne te défends-tu pas? Eurydice recule. Comment veux-tu que je me défende en te mentant? Je suis désordonnée, c'est vrai, je suis paresseuse. Je suis lâche. Régisseur, ce n'est pas vrai. Eurydice, qu'est-ce que tu en sais, toi, petit Louis? Tu n'étais pas lâche quand tu me défendais contre tous. Tu n'étais pas paresseuse quand tu te levais à 6 heures pour venir m'aider en cachette en attendant que les autres descendent. Dulac, comment? Tu te levais le matin pour aider ce petit imbécile à expédier les malles? Oui, Dulac. Et elle qui ne retrouve jamais rien, qui gâche tout. C'est elle qui classait mes bulletins, qui m'empêchait de me tromper. Ah, ben on aura tout vu. Orphée, mais si ce petit dit vrai, parle, défends-toi mieux. Eurydice, doucement. Il dit vrai, mais aussi Dulac dit vrai. C'est trop difficile. Tous les personnages de la pièce sont entrés pendant qu'il parlait. Ils sont massés dans l'ombre au fond de la scène, derrière Eurydice. Orphée, c'est vrai, c'est trop difficile. Tous les gens qui t'ont connu sont autour de toi. Toutes les mains qui t'ont touché sont là, qui rampent sur toi. Et tous les mots que tu as dit sont sur tes lèvres. Eurydice recule encore un peu. Alors, tu vois... Il vaut mieux que je remeure. Le chauffeur. Ne comprenez donc pas qu'elle est fatiguée, cette petite, hein? Et puis qu'elle a honte de se défendre à la longue. Moi, je suis chasseur. Eh bien, il y a des petites bêtes comme ça, hein? On les a par la lassitude, par le dégoût. Elles se retournent vers les chiens. Elles laissent faire. C'est comme cette histoire dans le car où je l'entends qui s'embrouille depuis un moment. Qui êtes-vous, vous? C'est le chauffeur du car, mon chéri. Vous êtes gentil d'être venu, monsieur. Il se figure que vous m'avez souri. Mais d'abord, est-ce que j'ai une tête à ce qu'elle me fasse de sourire, cette petite, hein, dites. Il se figure que vous êtes parti avec le sourire. Et de là à croire que vous ne l'aimez plus, mais il n'y a qu'un pas dans l'état où il est. Eh bien, j'étais là, moi, je l'ai vu. Tiens, oh, je suis content, il va te défendre. Vous allez lui dire, n'est-ce pas, monsieur? Eh bien sûr que je vais lui dire, je suis là pour ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Pourquoi elle a souri? La surveille depuis un moment du coin de l'œil. Elle écrivait avec un petit crayon dans un coin en attendant le départ. Elle écrivait, elle pleurait en même temps. Quand elle a eu fini d'écrire, elle s'est séché les yeux avec son petit bout de mouchoir roulé en boule. Et elle a tiré la langue pour fermer l'enveloppe. Et alors moi, pour dire quelque chose, je lui ai dit j'espère qu'il vaut au moins la peine, hein, celui-là à qui vous écrivez. Elle dit, alors j'ai souri, parce que j'ai pensé à toi, mon chéri. Chauffeur, et voilà. Il y a un silence. Orphée, si tu m'aimais, pourquoi partais-tu? Je pensais que je n'y arriverais jamais. À quoi? À te faire comprendre. La mère. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tout leur paraît si triste à ces enfants. Enfin, mon gros chat, nous aussi, nous avons été légèrement passionnés. En fait, est-ce que ça nous a rendus tristes?

pendant toute cette lettre. Eurydice a reculé. Elle est tout à fait au fond du décor maintenant. Orphée, pardon, Eurydice. Eurydice, il ne faut pas, mon chéri. C'est moi qui te demande pardon. Aux autres. Excusez-moi, je dois partir. Orphée crie. Eurydice! Il court comme un fou au fond. Elle a disparu. Tous les autres personnages se sont évanouis aussi. Orphée reste seul, il ne bouge pas. Le matin se lève. Quand la lumière du jour est presque réelle, le garçon entre, l'air bien vivant. Bonjour, monsieur. Il fait pas chaud ce matin. Je vous sers quelque chose? Mais est-ce que vous voudrez un café? Bien, monsieur. Commence à enlever les chaises des tables. La caissière rentre et va à sa caisse, fredonnant une chanson sentimentale d'avant-guerre. Un voyageur passe sur le quai, hésitant, puis entre timidement. Il est surchargé de valises d'instruments de musique. C'est le père d'Orphée. Le père. Tu es là, fiston? J'ai pas pris le train de Palavas, tu sais. Complet, archi-complet, mon cher. Et ces animaux-là voulaient me faire payer un supplément de seconde. Je suis redescendu, tu penses? Je me plaindrai à la compagnie. Orphée, oui. Père. Tiens, j'en prendrais bien un de café, moi. J'ai passé la nuit dans la salle d'attente, il faisait pas chaud. À te dire vrai, je me suis glissé dans celle des premières. Excellente banquette de cuir, mon cher. J'ai dormi comme un prince. Il voit la caissière. Tu vois, à la lumière du jour, elle perd beaucoup cette femme. Elle a de beaux nichons, mais elle a l'air extrêmement vulgaire. Alors, qu'est-ce que tu as décidé, fiston, hein? Elle lui porte conseil. Viens tout de même avec moi. Mais papa... Oh, alors, je savais bien que tu n'abandonnerais pas ton vieux père. Nous allons nous payer pour fêter ça un bon petit déjeuner à Perpignan, hein? Figure-toi, mon cher, que je connais là-bas un petit prix fixe à 15 francs, 75, vin compris, café et pousse-café. Oui, mon cher, et une excellente fine. Et si tu mets 4 francs de supplément, tu as du homard à la place du hors-d'œuvre. Belle vie, quoi, fiston, la belle vie. Parfait. Oui, papa. Le rideau est tombé. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission publique du Club d'essai, transmise du Théâtre de Babylone, lecture à une voix, émission de Michel Polac et Guy Maxence. Aujourd'hui, Eurydice, pièce de Jean Anouilh, lue par Raymond.